j'ai la conscience en paix. Et je pense pas que ce soit la même chose à la Société Radio-Canada. Dirigeant de la FTQ Construction, il n'est pas pris en filature par la SQ, mais par une horde de fans qui n'en ont que pour son humour ravageur. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Ah. Merci. Merci, c'est tout à fait vrai. Hey, j'espère que vous avez rien sur votre conscience, là. On va s'amuser ce soir. Merci d'être ici. Il est à peine 19h. La soirée est encore jeune et ça va donner amplement le temps de se remettre de cette fin de carrière plutôt abrupte, hein, d'Alexandre Despaty. Fred, avez-vous vu son dernier plongeon? Ben non, je l'ai raté. C'est pas grave, lui aussi. Non, mais non, pour vrai, méchant flat, là. Pas autant que le reportage d'enquête, mais quand même. Alexandre l'a dit, hein, il ne regrette rien. Un autre d'ailleurs qui ne regrette rien, c'est Jean Charest. Qui, a-t-on appris, n'est jamais intervenu pour faire interrompre la filature d'Eddie Brandon. D'ailleurs, le premier ministre ajoute, hein, que non seulement il n'est pas intervenu, mais il n'a jamais, jamais, jamais parlé à la SQ, sauf une fois au chalet. Ouais. Ça, c'est... Ouais, mais faut quand même avouer que le timing de sortir ça cette semaine est assez discutable. Oui, bon, c'est vrai que c'est discutable. Hein. Si c'était sorti avant la campagne, ben Jean Charest aurait mal paru. Plus tard dans la campagne, ben Jean Charest aurait aussi mal paru. Et après la campagne, ben Jean Charest aurait probablement mal paru. Vous voyez, Fred, que c'est discutable, on en discute. Ben oui, c'est vrai. Il n'y a pas de tour blanc. Moi, ce qui me fait le plus peur dans ça, là, c'est que suite à cette affaire-là, un nouveau parti politique verrait le jour. Ah hein? Oui, lequel? Ouais, le Parti pour l'indépendance de la SQ. Ah oui. Ouais, ouais. Ça se trame. Et parlant d'indépendance et de grosse police, là, on apprenait cette semaine que Jacques Duchesneau, candidat vedette de la CAQ, a ses propres armoiries qu'on peut voir sur son site web, pour vrai, là. Et ça, on peut lire « Oser risquer agir ». C'est très sérieux. Hein? Ouais, mais il me semble que des armoiries, là, ça fait pas mal le 18e siècle pour un parti qui veut faire autrement. Oui, bon, peut-être, mais ça a quand même donné une idée et donné le goût, surtout à François Legault, de se gosser des belles armoiries juste à lui. Hein. Et c'est en latin, je pense, là, je vais lire « Parole promessa un vera ». Comme ouais. Disait ma grand-mère, c'est vrai que c'était Vera, Legault. Drôle, votre grand-mère. Non, mais le chef de la CAQ a aussi proposé de limiter les crédits d'impôt aux entreprises. Hein. Reste à savoir si François Legault est d'accord avec lui. Ça, c'est clair. Mais non, c'est pas évident de se parler dans ce parti-là. Il a pas chômé, là, François, cette semaine. Il a également promis que les écoles secondaires allaient être ouvertes de 9 à 5 pour que nos jeunes ne traînent plus dans les rues. Ah ouais, 9 à 5. Là, ouais. comme les magasins. Pareil, tant qu'à donner des diplômes à rabais aussi bien avoir les mêmes horaires que les Dolorama. Non, il me semble. Enfin, ils ont aussi promis, je pense, là, d'ouvrir les Valentines 24 heures sur 24. Ah, t'es sûr que c'est une promesse de Legault, ça? Ouais, c'est peut-être une promesse de Gaétan Barrette, ça. Non, mais c'est parce qu'il paraît que... Non, mais il paraît qu'ils aiment leur salade de choux. Oui. Hein? Bon, oui. Mais en parlant de choux, d'ailleurs, là, François Legault n'est pas le seul à avoir fait des promesses. Il y a Jean Charest qui nous a confirmé que si le PLQ était réélu, hein, il améliorerait l'accès aux soins dentaires. Bon, là, je te gâche que c'est une firme de génie conseil qui va faire les traitements de canal. Oui, oui. Oui, et les plombages vont être faits d'une fine, fine couche. On va être obligé de les refaire chaque année. Ah, ben oui. Pour refaire l'économie. Non, mais ça fait super bien. Et toujours dans le domaine des couches, d'ailleurs, il y a Gabriel Nadeau-Dubois. C'était facile. Qui a démissionné de son poste, ben oui, de co-porte-parole de la classe. Et... C'est donc une affaire classée. Merci, Fred. En tout cas, merci vraiment. C'est un gros plus. Ben, la porte est grande. Ouais, ouais, non. En tout cas, le petit Gabriel a enfin obtenu un mandat pour se reposer. Hey, non, mais oui. C'est à se demander ce qu'il va faire avec son temps libre. Hein? Ben, la proposition d'aller à Québec solitaire tient toujours, hein, en tout cas. Ouais, mais je suis pas certain que Gabriel a envie de devenir co-porte-parole d'un mouvement encore plus modeste que la classe, honnêtement. Non, mais ce serait en même temps. Parlant de Québec solidaire, on reçoit ce soir la co-chef Françoise David, hein, le seul parti dirigé par deux chefs. Non, la CAQ aussi, ils en ont deux. Il y en a trois, la CAQ. Il y en a trois. Ouais, faut pas se tromper. Et on reçoit également Martine Desjardins, présidente de la FEUC, la doyenne et dernière survivante du printemps érable. Non, mais ça fait beaucoup de femmes à l'émission, ça. Ouais, c'est ça qu'ils appellent la parité. Ouais, pas sûr que François Legault va écouter, finalement. Non, mais il y a encore le temps de changer d'idée, puis il est bon là-dedans en plus, parce que la soirée est encore jeune. On a du fun. Hein, quand on a du fun. Olivier Niquette, si on préfère les internets, là, on nous joint comment? Ben, on va sur les internets, hein? On est sur Twitter, Facebook, Tumblr, tout ça. Là. Puis vous pouvez aller sur notre site radio-canada.ca/la soirée pour tous les détails et pour apprendre grâce à une photo, à Photopolis, en fait, que les pocheurs sont sur le bord de la Lafayette à cause des manifestations au parc Émilie-Gamelin. Voyons donc. Ben oui. Ça fait des ravages partout, cette histoire-là. Ben oui. Alors, mais quand même, hein, toute une semaine d'actualité. Grosse, grosse semaine. Hein, tellement qu'on n'a même pas eu le temps de parler du film télévisé sur la vie de Jack Layton qui va sortir en 2013 hein, sur les ondes de la CBC. Oui. Paraît que c'est Manon Massé qui pourrait camper le rôle de la femme de chambre de Jack Layton. Je sais pas pourquoi vous riez, là. Il y a pas de... À une chance que c'est pas un film sur DSK. Non, ça c'est clair, ça c'est clair. On l'a vu cette semaine, le robot Curiosity a envoyé par la NASA a foulé le sol de Mars, c'était lundi dernier, et ben, ils nous ont envoyé de très belles photos de roches rouges. Hein? C'était fascinant. Assez plate, merci. C'est pourquoi on a décidé d'en faire, nous, notre top 5 hebdomadaire. Voici donc les cinq choses que Curiosity pourrait découvrir sur Mars. Alors, en cinquième position, le seul coiffeur qui n'a pas touché aux cheveux de Pauline Marois. C'est rare. Oui, il s'appelle Kiki et il est triste. Je sais pas. C'est votre coiffeur, Fred? Non. OK. En quatrième position, une médaille d'or olympique pour le Canada dans un vrai sport. Ben oui, on peut-tu sauter jusqu'à Mars avec un trampoline? C'est pas drôle. Ben, du milieu. Non, mais si on se met au milieu. Ah, là. OK, ben oui, peut-être. Peut-être. Pensez-y encore, celle-là. En troisième position, un anglophone qui vote pour le PQ. Ouais. Je pense que le robot a plus de chances de trouver de l'eau sur Mars que ça. Hein. Il y a des chances. Et en deuxième position, une personne capable de nommer trois candidats d'option nationale. Il y a trois candidats d'option nationale? Non, je pense qu'il n'en présentait pas un dans Gouin. Ouais, voilà. Donc, il y en a deux. Ouais. Et la première chose que Curiosity pourrait retrouver sur Mars, François Rebello. Ben ouais, non, hey, on s'inquiète. Non, mais j'espère qu'il est là, parce que c'est inquiétant, moi j'appelle la police bientôt. C'est clair. Il est où? Fred, notre premier invité. Notre premier invité est une incontournable de l'actualité depuis le début du conflit étudiant. À la barre de la FEUG, elle est la voix de ses 125 000 membres, mais laisse sans voix bien des détracteurs. Accueillons Mme Martine Desjardins. Ah! Content de vous voir, Martine. Ben oui, content d'être là. Ben j'espère, oui, j'espère, parce que là, il y a un petit creux pour le mouvement étudiant, mais c'est pas grave, ça va revenir. Ah, okay. Martine, Gabriel a démissionné cette semaine. Léo est parti au PQ. Là, vous êtes la dernière survivante. Oui. Vous allez nous annoncer quelque chose ce soir, je peux pas croire. Non, mais normalement, on dit « the only man standing », woman maintenant. Et j'ai changé ça, c'est nouveau. Qu'est-ce que vous allez nous annoncer, là? Vous allez, vous allez à Québec solidaire? Non, pas du tout. Pas du tout. Mon mandat fini le premier... Mai 2013. Oui, c'est ça, on en a encore longtemps, là. On en a encore pour un petit bout. Fait que vous restez là, à la feuille. Oui. Ah oui, je reste là, oui. Vous avez là pas... pour finir, en fait, ce que j'ai commencé l'année dernière. Parce que je le disais, on commence un peu à tourner en rond avec la grève. Ben, il me semble. J'ai l'impression que, ben là, il y a des votes qui sont déroulés dans les universités cégep. Ouais. Ça, c'est souffle, le mouvement. Mais non, pas du tout. Ah non? Non, non. Vous n'avez pas de ça? Non, mais nous, on fait ça comme la CAQ, en fait. On veut du changement, mais on le fait pour vrai. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé un peu nos éléments, puis on change pour un plan plus électoral. Donc, on utilise toujours la grève à certains moyens pour justement avoir plus de temps pour aller faire du porte-à-porte, parce que ça nous libère. Mais sinon, ceux qui retournent en classe, ils trouvent d'autres moyens pour s'impliquer dans la campagne. Je pense que c'est bien. Ben oui, mais je vois que vous êtes très politisé. On en parlera tout à l'heure avec Françoise David. Mais on a appris, évidemment, la nouvelle qui a fait l'actualité cette semaine. C'est évidemment le départ de Gabriel Nadeau-Dubois. Vous avez dit sur les ondes de RDI que vous étiez sous le choc. Ben oui. Vous vous attendiez pas au départ de Gabriel? Non, pas du tout. Mais j'ai parlé à Gabriel il y a environ une semaine. C'est un menteur. Ben non. Mais je pense qu'il y a des situations qui font que des fois, on a comme une goutte qui fait déborder le vase puis on décide de quitter le navire pour rester dans l'eau. Puis effectivement, je pense que Gabriel avait juste décidé que là, c'était le moment puis il a décidé de quitter. Mais moi, j'ai parlé, j'ai demandé pourquoi maintenant. Ouais, parce que j'avais la goutte, justement? Mais il y avait de la difficulté à me l'expliquer, mais je pense que la fin de sa tournée... Pourtant, il parle beaucoup. Oui, mais je pense que là, c'était difficile pour lui. Ça venait d'arriver, donc on verra. Probablement qu'on va le savoir un peu plus loin. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a vraiment une goutte là, qui a fait déborder le vase pour Gabriel. Ouais. OK. Hey, ça, c'est intéressant. Ben oui, ça suspect. C'est clair. Mais là, de plus avoir Gabriel dans vos pattes, ça peut vous aider à résoudre le conflit quand même. Mais non, au contraire. En fait, au contraire. Au contraire. Je pense pas que, en fait, que Gabriel soit parti, ça va évidemment créer certaines incidences, en fait, sur le mouvement. surtout à la classe, je crois. Mais c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui était là avec moi depuis le début, qui n'est plus là, ça va changer quand même la donne. Mais vous vous sentez seule, Martine? Ben non, je me sens pas tellement seule, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde sur les terrains. On n'est pas tout seul. Mais il reste quand même qu'avec Gabriel, on avait développé certaines affinités. Puis, hey, ça paraissait pas comme... tant que ça, quand même. Non, mais non, pourtant. Non. Pourtant. Honnêtement? Mais je me dis, de toute façon, il n'y a pas de négociation. Ça va se régler aux prochaines élections. Oui, ah mon Dieu, on t'arrête pas de mettre bière en ce moment. Ouais. Non, mais justement. Ça va se régler aux prochaines élections. Je suis tellement mal poli, là. Que je ne vous ai pas offert de bière. Et je vais faire ça à l'instant. J'en ai aux pommes. C'est un peu sucré, mais j'imagine que vous avez besoin peut-être un peu plus de rousse, là, comme votre nouvelle associée à la classe. Là. Oui, Camille. Camille, ouais. Tiens, une petite rousse. Merci. Je vous ai même pas demandé si vous en vouliez. Vous en, mais vous en donnez pas grave, j'en ai une. N'empêche, on a eu le départ de Gabriel, on a eu le départ de Léo aussi, votre associé de toujours. Oui. Qui est parti pour le Parti québécois. Ouais. Vous vous en doutiez de ça? Oui, je m'en doutais. Ah, c'est une question c'est de ça. Temps, je pense. Ah ouais, ouais. Il était attiré. J'étais surprise que ça soit si rapide, mais oui. Ben, si rapide, en même temps, il y avait des élections, en fait. Tu sais, c'est maintenant ou jamais. Hein? Oui, ouais, non, c'est ça. Ouais. Vous, de voir Léo s'en aller comme ça, là, ça vous a fait quoi? Ben, de toute façon, Léo, il s'en allait parce que son mandat était terminé. Il y a Eliane qui l'a remplacé. C'est bien, c'est juste des filles. Je le sais! C'est génial. Vraiment, vraiment! Ben, c'est vraiment génial. On dit qu'il n'y a jamais de filles au niveau politique, mais là, il y en a plein dans le mouvement étudiant. Fait que ça va être peut-être c'est une annonce qu'il y aura plus de filles en politique. Ben oui, mais justement, plus de filles. Là, on a eu évidemment Michel Courchesne, on a eu l'autre dame d'avant, comment elle s'appelait? Lynn Beauchamp. Lynn Beauchamp. Là, il va y avoir seulement des filles qui vont discuter ensemble. Enfin, là, je dis, on va voir évidemment après l'élection. Ça va jaser. Il y a François Legault, il y a deux, trois semaines, qui était ici, qui disait que les filles n'aimaient pas trop le débat. Oui, non, s'il n'aimait pas ça, chicaner. Vous allez vous entendre, donc, j'imagine. Il y a plus de chances d'entente avec des filles autour de la table qu'avec des petits baveux comme Gabriel. Mais je pense qu'on l'a vu au cours des dernières négociations. Là. C'est pas parce qu'on est des filles qu'on s'entend mieux. Ça, c'est parce vrai. Parce que visiblement, Mme Beauchamp n'arrivait pas à s'entendre. Mme Courchesne encore moins. Puis d'ailleurs, elle nous l'a dit dernièrement, son téléphone est toujours ouvert, mais il n'y a pas de négociation possible. Et donc, je ne sais pas trop quoi comprendre de cette situation. Ben, je ne sais pas. Vous êtes poignée dans le centre-ville, vous voulez un lift, vous l'appelez. Ben, je pense que c'est ça. Je ne sais pas exactement ce que ça voulait dire. Ben, je pense que ça veut dire ça. Moi, supposons que je sortais dans un bar, j'étais un peu chaud, je ne peux pas conduire ma voiture. J'ai le numéro de Michel Courchesne, je l'appelle, honnêtement. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. J'essaierai. Bon, essayez-le. Oui. On est en élection, évidemment. Oui. Vous allez faire une tournée à travers la province pour sensibiliser les jeunes à voter. Vous avez lancé l'initiative Faire la différence et le site web votons.ca. Oui. Ça se rapproche un peu au manifeste de la classe, en fait, qui pousse aussi les jeunes à voter. Le manifeste qui s'appelle Nous sommes à venir. Vous voulez donc inciter les jeunes à voter, mais en même temps, vous ne voulez pas réélire les libéraux. Non. Vous rejetez les propositions de la CAQ. Ouais. Vous n'êtes pas en faveur de l'indexation comme l'offre le PQ. Exactement. Vous êtes en train de me dire que vous poussez les jeunes à voter Québec solidaire. Mais en fait, on pousse les jeunes à faire des choix qui sont éclairés puis à regarder les plateformes des partis. Bon, ça, c'est un long mot, ben, une longue expression pour nous dire voter pour Québec solidaire. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est on ne veut pas se soutenir un parti plus qu'un autre, mais évidemment, on ne veut pas non plus encourager les jeunes à voter pour les libéraux, encore moins pour Coalition Avenir Québec. D'ailleurs, c'est tout nouveau. On vient de voter cette proposition-là ce matin. Arrêtez donc. Tous les partis qui ne sont pas en faveur du gel des droits de scolarité, minimalement, mais en fait, on doit vraiment empêcher les jeunes et surtout les citoyens de voter pour eux. Hey, c'est un long détour, pour dire que vous allez voter pour Québec solidaire, ça. Mais c'est pas grave, on va avoir Françoise David tout à l'heure, on en parlera avec. Oui. Justement, c'était un cheval de bataille assez important, le vote des jeunes. Oui. Lors de la dernière élection, on avait un taux de participation de 41% pour les 18 à 34 ans. Oui. Et là, évidemment, on vise plus haut. Oui. Mais pourquoi les jeunes sont désintéressés à la politique et comment vous allez faire pour les convaincre de revenir? Ils sont désintéressés parce qu'on ne s'adresse pas à eux. Les dernières propositions qu'on a eues, là, ça fait quoi? Une semaine et demie à peu près que les insertions. Vous trouvez que Jacques Duchesneau ne parle pas aux jeunes? Vous? Non, vraiment pas. Okay. Non, vraiment pas. Docteur Barrette non plus. Mais on n'a aucune proposition. Ils nous parlent de hausse des droits de scolarité, de leur compromis à 200 $ là, pour la CAQ, qui est un compromis. C'est un bon deal, honnêtement. C'est quasiment une vente aux enchères pour l'éducation. Donc, on regarde tout ça, mais il n'y a pas de proposition autre. On dirait pas seulement des frais de scolarité, mais c'est comme s'il n'y avait pas de proposition. Vous ne sentez pas d'ouverture de discussion? Je vous ai lu sur Twitter avec François Legault, d'ailleurs, en début de campagne, je pense. Vous étiez en train de vous obstiner sur Twitter très tard. Oui. Est-ce que vous avez une bonne hygiène de vie? Parce que il me semble que vous couchez tard. Oui, non, François mais... Legault aussi. Oui, non, mais on avait commencé à 10 heures. Là, j'étais tellement emballée que j'ai fini, je pense, ma discussion. Il devait être minuit. Excusez-moi, vous êtes emballée de parler à François Legault? Non, j'étais emballée par le débat parce que je me disais ça prend des proportions quand même assez incroyables. Et il y avait quand même des idées plutôt particulière, je dirais. Par exemple, oui, oui. On va augmenter le salaire des professeurs et... Non, mais s'ils travaillent de 9 à 5, à un moment donné, il faut les payer, là, tu sais. Mais ça, ou comme de dire que les femmes ne sont pas vraiment intéressées par l'argent et donc c'est pour ça qu'elles prennent des, d'ailleurs, des c'est professions ça, je me dis... plutôt... Ben, en même temps, ça doit pas être très payant, la FEUC. Tu payes à la FEUC? Non, pas du tout. Bon. 1+1. Il n'y a pas tard, là. Ouais. Puis Léo est allé faire de l'argent en politique. Regardez, ouais. Regarde. Moi, je disais, je laisse même... ça, là. Oui, mais ouais. La FEUC, c'est quand même un boys club. Je suis quand même la deuxième femme à la tête de la FEUC. Donc, je me dis, il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont passés là avant moi. Pour aller faire de la politique? Ben pas nécessairement. Ben quoi qu'il y a Rebello, quand ben, même, hein, qui n'est pas un bon exemple. D'ailleurs, François, là, il est où? Est-ce que vous l'avez vu récemment? Ben, j'ai vu moi, je stresse, hein. Ben. Je l'ai vu, il était au Saint-Hubert la dernière fois avec François Legault. C'est tout ce que c'est j'ai la salade vu. De chou est à volonté, c'est tout le sorcier de là. Hein? Ouais, ben c'est juste là, le reste, je sais pas, il est où. Ben, merci Martine, vous restez, puis on a de la bière en masse. Ben, on a tous entendu cette semaine à l'extraordinaire chanson rassembleuse du PQ, hein, du Parti québécois, À nous de choisir, qui a fait un tabac sur les réseaux sociaux, mais quand c'est bon, qu'est-ce que vous voulez? Ben c'est oui. bon, hein? Ben c'est oui, pas compliqué. N'empêche que ça nous a donné envie d'en faire une aussi. On écoute. C'est à nous de choisir qui tracera le demain. C'est à nous de nous dire ce que sera le gain. C'est à nous de choisir de croire en qui mentir. C'est à nous de choisir notre sorte de pain. C'est le temps de s'unir, de se verser du vin. Faire selon nos désirs, faire des rimes en i. C'est à nous de choisir, se donner la chance. Le moment de têter tous les nationalistes en chantant une toune poche par des artistes has-been. À nous de faire grandir cet espoir qui revient. C'est à nous d'essayer de repartir nos carrières. C'est le temps d'espérer de meilleurs lendemains. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Vous êtes certain que c'était pas la vraie? Ben, j'ai pas reconnu Daniel Boucher. D'après moi, c'est la parodie. Ah, ça doit être la parodie. Il y a d'ailleurs une vidéo qui circule sur Internet. Sur hein, on peut aller voir ça sur YouTube et sur notre compte Tumblr. Vous êtes toujours à la soirée. Elle écoute de la soirée, t'es encore jeune. Et j'espère que vous n'allez pas, oui, changer de poste parce que le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. On va aller rejoindre sur le terrain le grand journaliste Jean-Sébastien Girard qui, tel un candidat en campagne électorale, n'hésite pas à se déplacer partout en province pour notre plus grand bonheur. Jean-Sébastien? Hey Jean-Philippe, bonjour! Bonjour! Bon, ben je suis pas bien loin aujourd'hui, en revanche, je suis resté à la maison parce que j'ai eu envie, Jean-Philippe, d'inviter quelqu'un à faire à manger dans ma cuisine. Et cette personne, c'est nul autre que Kamal Loutfi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce candidat qui a été expulsé de la CAQ le 22 juillet dernier après avoir écrit sur Twitter que certains séparatistes étaient racistes. Depuis, il fait campagne comme indépendant dans la circonscription Chemédé à Laval. Et c'est aussi une star de YouTube, des réseaux sociaux. Il nous parle de ses exercices, de son régime, de son compostage. Monsieur Kamal, bonjour! Bonjour Jean-Sébastien. Vous allez bien? Excellent. Alors aujourd'hui, on va jaser alimentation et mieux-être. Vous aimez cuisiner, on le voit sur YouTube. Là aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? Là, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial. C'est quelque chose, c'est les feuilles de vigne de mon jardin que j'ai fini faire la recette. C'est et bon, j'ai ça. Le plaisir de travailler avec Monique, ta mère. J'ai invité ma mère dans ma cuisine. Alors, on parle de bouffe justement, c'est pas un secret pour personne. Vous êtes au régime. Un jour, vous vous êtes levé, vous vous êtes dit, c'est assez, faut que ça change. Et là, vous partagez votre perte pondérale avec nous sur Twitter. Puis toujours, est-ce que vous êtes en train de fondre, Kamal? Oui, c'est aujourd'hui, ça fait 7 livres que j'ai perdu. Mais voyons donc! Oui, 7 Bravo. Livres, vraiment. Bravo, tout le studio vous apprécie, on est fiers de vous. Merci beaucoup, merci. Oui. Toujours sur Twitter, vous partagez avec nous un truc pour vous nettoyer l'intérieur. Vous utilisez une cure laxative. Ne soyez pas avare de détails. Dites-moi plus, Kamal. Alors, c'est R. Vogel. C'est sur Internet. J'ai mis le lien l'autre jour. Et dans laquelle ça fait un nettoyage de reins, du foie et tout l'appareil digestif, en réalité. Puis c'est bon de faire ça, ils disent qu'ils le font ça une fois quand le changement de saison arrive. Alors on peut faire ça 4 fois par année. Parfait. Et se poser faire du nettoyage. Parce que des choses qui restent prises dans notre système, on nettoie notre voiture, on fait du ménage dans la maison, mais parfois on a d'autres choses. Bon, parfait. Mais mine de rien, c'est pas banal tout ça. Nous, on va poursuivre notre recette et on va jaser conditionnement physique dans quelques minutes, Jean-Philippe. Ben, je vous remercie beaucoup, Jean-Sébastien. Hein. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a souvent des choses qui sont prises en nous. Il faut faire le ménage de temps en temps. Ouais. C'est vous qui le dites. Merci, Jean-Sébastien. À tout de suite. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier, une émission ambidextre, à coup sûr! Bon, on se croirait aux expos. Ben oui. Il n'y a peut-être pas la stature et le charisme de Kamal Loutfi, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une opinion bien à lui. Fred Savard! Ouais. C'est une belle présentation, ça. Je suis content de pas... En tout cas. Oui, j'ai envie cette semaine de détruire un mythe qui court donc de plus en plus sur les médias sociaux et surtout sur les ondes d'une certaine radio de Québec. Une radio que je ne qualifierai pas de radio poubelle. Non, puisque j'ai non. trop de respect pour les dites poubelles qui rendent de grands services à la salubrité publique. Eh bien, ce mythe prétend que nous aurions peur à Montréal de l'arrivée de la Radio X. Ben oui. Nous peur? Ouais. Peur de quoi? De l'arrivée d'une radio de droite qui viendrait ébranler nos certitudes de gauchistes illuminés par l'idéologie du Che qui se retrouve partout dans nos médias montréalais? Ouais. Pas en tout! Au contraire, voilà une bonne chose et en toute bonne foi, j'accueille à bras ouverts l'arrivée de Radio X à Montréal. Ah ouais. Parce qu'on va pas se cacher, on va pas se cacher la vérité longtemps. La radio de Montréal est infiltrée et surtout infestée de gauchistes, tous formés dans des bootcamps financés par Québec solidaire. Madame David, inutile de protester dans le fond là-bas là, et de cacher la vérité, c'est un fait qui est connu. Bon. Il n'y a qu'à écouter Radio-Canada en premier lieu pour s'en rendre compte. Cette station publique pullule de révolutionnaires de gauche qui n'osent pas dire les vraies affaires et qui préfèrent se vautrer dans de dangereuses idées comme l'impartialité, la pluralité des voix et la discussion respectueuse avec un langage presque soigné, sauf bien sûr ici à notre émission où nous n'hésitons pas à dire des mots comme bisoun pour n'en toucher qu'une. C'est toujours très drôle. Et avez-vous écouté Mathieu Boccoté cet été à l'émission matinale de François Marcoux? Vous avez certainement constaté comme moi que même un Philippe. Homme de la stature intellectuelle de Boccoté n'a pas pu résister au lendemain qui chante en tenant un discours digne de la plus dégradante gauche liberticide. Mais la peste gauchiste n'est pas qu'à Radio-Canada, malheureusement. Le 98.5 n'y échappe pas non plus. Paul Arcan, Jean Lapierre, Régent Tremblay, Mario Dumont, Benoît Dutrisac, Normand Lester, Isabelle Maréchal, Paul Loud et même Jacques Fabi. Tous des gens qui tiennent depuis trop longtemps un discours que ne renierait pas n'importe quel bozo du Sentier Lumineux. Voilà pourquoi il est important que Radio X s'installe à Montréal. Ouais. Parce qu'enfin, nous puissions goûter, nous aussi, au nectar divin des vraies affaires. Fini la langue de bois qu'on pratique depuis trop longtemps dans nos médias à la solde de Guillaume Lepage et de son sous-fifre Amir Kadir. Mais ce constat ne doit pas amoindrir tout le plaisir que suscite en moi l'idée que cette Radio X n'en sera pas une commerciale. Non, ce n'est pas vrai que sa mission sera d'attirer avec des propos diffamatoires la clientèle masculine des 35-50 ans pour mieux leur vendre du déodorant à senteur de rut, de la bière commerciale au goût d'urine de houblon ou encore des certificats cadeaux dans des bars de danseuses montréalais. Non! Cette radio sera là pour nous ouvrir les voies de la prescience incarnée par le payeur de taxes très moyen. On pourra enfin comprendre que nos problèmes viennent surtout du fait qu'il y a trop d'États, trop d'immigrants sales qui volent nos jobs et trop de femmes sur le marché du travail qui humilient nos hommes blancs de souche, eux qui ne demandent qu'à demeurer des pourvoyeurs qui se mettent de l'axe en dessous des bras en buvant de Molson X à la calèche du sexe. Parce que ce n'est pas à Radio-Canada que vous allez entendre ces vérités de la palisse. Non, je n'ai pas peur de Radio X Montréal. En fait, j'ai juste peur que mon enregistreur ne suffise pas à la tâche, les belles soirées que nous aurons. Et je suis content pour Éric Duhaime, par exemple, lui qui aura son émission de 14h à 16h. Enfin, il aura sa tribune. Lui qui se plaignait souvent sur les ondes de VTL, à Choix FM à Québec, dans le Journal de Montréal et de Québec, dans les journaux anglophones de la chaîne Sun Media, et sur les ondes de Sun News qui n'avaient pas de place pour se faire entendre au Québec. Eh bien, enfin, il aura son émission qui, étrangement, s'appellera 2x4, l'arme favorite des syndicalistes sanguinaires. Ce qui me désole, par contre, c'est que l'arrivée de Radio X à Montréal risque également de faire passer Richard Martineau pour un intellectuel de classe mondiale. Mais j'imagine que c'est le prix à payer pour qu'enfin on nous libère du discours syndicalo-gauchiste qui nous empêche de devenir des gens bons, heureux. Des gens bons, heureux. Oui. Jean, se passe bon. Okay, ouais, merci beaucoup, Fred. Merci. Ouais, ça fait plaisir. On va retourner discuter avec l'ami Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, ça va toujours bien dans votre cuisine? Ça sent bon en taverne dans la cuisine. Et évidemment, tout ça sera disponible ce soir sur YouTube. Qu'est-ce que vous faites, le Kamal, ici? Oui. Ah, il est loin. faire dessert, c'est ça? Non, j'ai en train de conduire le repas encore parce que j'ai préparé le four. On va le mettre au four. On va pouvoir se loger plus longtemps. Et aussi, il y a des choses que je prépare encore pour le dessert et pour une petite entrée au début. C'est bien beau la bonne alimentation, mais il faut se tenir en forme physiquement. D'ailleurs, dans une de vos vidéos, vous dites vous tenir en forme grâce à votre tondeuse à gazon. L'hiver s'en vient. Est-ce que pour vous garder en forme, vous allez utiliser votre souffleuse? Absolument, la souffleuse, puis toutes les activités de l'hiver pour mettre la décoration de Noël. C'est une activité physique quand même. Alors, on fait tout ce que vous pouvez faire pour bouger en réalité. C'est très motivant tout ça. Sauf que, bon, vous avez dit que c'est pas tout le monde qui est aussi en forme que vous. Vous parlez sur Twitter du bon Dr. Barrett. Vous dites qu'il devrait peut-être se prendre en main parce qu'il serait pas en forme physiquement. Vous vous basez sur quoi pour dire ça? Je me pense que quand j'ai vu à la télévision, je dis « pauvre monsieur, il doit être malheureux dans son corps ». Alors, comme moi, je fais le challenge pour moi de faire la perte du poids, je pense que j'ai mis le défi à lui aussi de le faire, parce qu'il veut, probablement, il a besoin d'un médecin de famille bientôt, lui aussi. Oui. Alors, la marche, justement, c'est très important pour vous. Sur YouTube, on vous voit magasiner une paire de souliers pour marcher votre campagne. Je me demandais, est-ce que vous avez marché pour soutenir les étudiants? Parce que sur Twitter, on voit que vous êtes pour la gratuité scolaire. Absolument, j'ai pas changé d'avis, c'est tout été mon opinion personnelle dès le début. Lundi, ça va faire 37 ans que je suis au Québec et j'ai eu de la misère à payer mes études, moi aussi, quand j'ai commencé. J'ai lavé la vaisselle, j'ai stationné des autos dans un stationnement, j'ai fait toutes sortes de choses pour aller chercher l'argent pour payer. Parfait. Alors, vous savez, cette cause étudiante a été portée à bout de bras par Gabriel, par Léo et par la fille. La fille est en studio, justement, aujourd'hui. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour que le conflit se règle? Je pense qu'il faut pas lâcher. Il s'agit juste de trouver une façon... pouvoir ramener les élèves en classe, par exemple, parce que je pense qu'on pénalise tout le monde en même temps, mais avec l'idée qu'on va pouvoir travailler avec une solution. Moi, je pense qu'on devrait avoir au moins une université en français gratuite, une en anglais aussi, et je pense qu'on peut faire la ménage dans l'administration, comme vous l'avez suggéré. Je pense que c'est une très bonne idée. Parfait. Alors, je suis galvanisé, Jean-Philippe, par cette discussion politique. Le repas est presque prêt. On se sert, on vous revient et on va parler de l'avenir politique de Kamal. Hey, on a hâte, là. Merci. Hey, Caroline Debine. Frère, notre deuxième invité. Notre deuxième invité est une militante de longue date et co-chef de Québec solidaire. Mais contrairement à Pauline Marois, elle n'invite pas les médias quand elle prend le métro pour parler au vrai monde. Accueillons Mme Françoise David. Ah, il y a des candidats divertissants quand même au Québec, hein? Ouh! Kamal, est-ce que vous le connaissiez personnellement, Mme David? Non. Ah non? Ben maintenant, tout le monde le connaît personnellement. Je n'ai pas ce bonheur. Mais ça a l'air bon, par exemple, ce qu'il est en train ben de faire à manger. Je sais, là. Des feuilles de vigne, c'est tellement délicieux. Ah oui, puis ça a déjà servi dans des tableaux, puis dans des sculptures. Ah oui, puis, oui. Il y a plein d'utilités à faire avec la feuille de vigne. Mme David, je suis content de vous recevoir aujourd'hui, mais je sais que vous devez être dévasté par les sondages CROP de ce matin. J'ai lu ça, il y a seulement 16% des gens qui... Non. Mais en fait, c'est aussi 16 personnes, là, mais bon. Non. C'est 16% des gens qui aimeraient prendre une bière avec vous et Amir. On a lu ça dans le sondage. Ouais, mais ils savent pas ce qui manque. Ben, je sais, justement, moi-même, je vais essayer Allez-y de tester donc, ça. Là. Alors, une rousse ou une fruitée, là? Une rousse. Ben oui, je sais, ben, la fruitée est spéciale un peu. Ben, c'est parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, non, moi, je me sais. Fie à vous, là. La rousse on est très, très bonne. Il faut toujours se fier aux gens de la radio. La fille, d'ailleurs, arrête pas d'en prendre depuis tout à l'heure. Oh, oui, elle en a pris beaucoup, oui. Mais Françoise David, c'est votre troisième campagne électorale, évidemment, dans Gouin. Vous affrontez Nicolas Girard, ce ne sera pas facile, c'est clair. Votre objectif, ultimement, à Québec solidaire, c'est quand même de déloger le Parti libéral. Oui. Allez-vous voter stratégique? Oui. Dans votre comté? Bien, certain. Vous allez voter pour Nicolas? Je vais voter pour moi. Arrêtez donc! Bien, c'est parce que dans Gouin, il y a un candidat libéral, paraît-il. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Oui, bien, moi, j'ai vu une pancarte au métro Beaubien. Il paraît qu'il y en a trois à peu près. Arrêtez donc. Donc, pas d'inquiétude d'angoin, on peut voter pour moi, puis ça va être le fun. Je vais pouvoir aller travailler avec Amir à l'Assemblée nationale. Ça va faire une femme de plus en passant. Vous n'êtes pas toujours en couple quand même, parce que là, il y a le débat qui s'en vient. Et vous allez être seul au débat. Oui. Pourquoi vous et non pas Amir, qui pourtant est à l'Assemblée nationale, vous avez besoin d'un petit coup de pouce dans votre comté? Hein? Ça aide, ça, le débat? Ben honnêtement, oui. Ben oui, je sais bien. Bon. Fait que ça, c'est la réponse honnête. Oui. Puis la deuxième réponse honnête, c'est que quand on a discuté à Québec solidaire, c'est Amir qui l'a proposé. C'est vrai? Oui. C'est un gentleman, ce gars-là. Hein? Arrête. Ben oui, mais on l'a reçu, là, pas longtemps. Ah, il est tellement gentleman, il s'amusait avec Gilbert Rozon, pour vous dire. Contrairement à Gilbert. Oui. Non, mais des jumeaux cosmiques, qu'on appelle. Mais ils sont pas au courant. Ils sont pas encore au courant, ils vont le savoir. Mais j'écoute ça, puis je me dis, encore une fois, je reviens avec notre ami François Legault, qui était ici il y a quelques semaines, qui nous a dit que les femmes n'aiment pas ça, le débat. Mais faut avouer, là, quand on regarde Québec solidaire, là, vous êtes une gang de chialeux. Donc, quand même. Alors, j'imagine que vous avez développé votre capacité au chialage à être dans Québec solidaire. Donc, vous êtes prête pour le débat? Je suis complètement prête pour le débat. En fait, ce que les femmes n'aiment pas, c'est les débats niaiseux, les débats inutiles, les débats de radio poubelle. Ça, c'est vrai, on haït ça. Ah, la fille à côté, d'accord, d'ailleurs. Ah oui, mais on aime les débats, les vrais débats, tu sais, de s'ostiner avec des idées, d'essayer d'avancer, là, c'est le fun, ça. Un autre qui aime les débats, c'est Jean-Martin Hossan, qui se débat très fort pour être au débat. Et il a bien raison. Oui, mais en fait, c'est si important que ça, le débat des chefs? Je veux dire, honnêtement, Très honnêtement, qui écoute la TV. Ça fait deux fois qu'on dit honnêtement, là, Mais il faut être honnête dans la vie, hein. C'est ce que c'est. On essaye. Ben oui. Il y en a qui ont oublié ça, là. Je sais pas. Nous autres, on essaye bien fort. Non, le débat des chefs, c'est quoi? C'est 3 millions d'auditeurs, minimalement, là. Mm-hmm. Et on le sait qu'il y a des campagnes électorales qui prennent des tournants après le débat des chefs. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est ça, la réalité. Ouais. Donc, être au débat des chefs, c'était très important pour nous. Puis on est vraiment contents d'y être. Et ça, c'est dimanche le 19. Oui. Où vous êtes prêtes pour ça déjà? Parce que ça s'en vient, là. Ça s'en vient vite. Ben, je suis comme les autres, j'imagine. On a un peu les papillons. Moi, c'est mon premier, en plus. Donc, Jean Charest, c'est son 67e. Oui, bon. Mais lui, on est tanné. Ah, je... Ben, en tout cas, c'est moi, vous. Je suis bien, bien tanné. Fait que je suis pas sûre que ça va être son meilleur débat à vie. Moi, si j'étais lui, je serais tanné de m'entendre répéter toujours les mêmes affaires. Là. Hey, vous seriez bonne à RDS à commenter le Canadien, vous? C'est vrai? Ben, je vous entends, là. Faudrait... Non, franchement, pensez à ça si vous n'êtes pas élu. Faudrait que je connaisse ça mieux un peu. On va parler un peu de la campagne, évidemment, qui se déroule depuis quelques jours maintenant. On va parler un peu de votre slogan. Hein, vous avez un slogan complètement unique. Un mot, vous? Debout. Mais je trouve que c'est pas un bon message. OK, dis-moi ça. C'est fatigant d'être debout. Oui. Regardez Fred Savard. Non, j'ai mal au dos, moi, je suis plus capable. Il est assis. Toujours debout. Il est assis. Vous visez qui avec ce slogan-là, debout? Tout le monde. On a envie de dire à tout le monde, là, garde, on a été assis trop longtemps. Je pense que les étudiants nous ont aidés pas mal à se lever le printemps passé. Pas juste à se lever, à marcher pas mal. Là. C'est ça, vous êtes C'était un très peu, bon pour perdre du poids aussi en passant. Ils nous faisaient monter les côtes très, très vite. Oui, oui. 5:30, on y croit. C'est ça, hein? Ouais. Non, non, moi, je pense que c'est le meilleur slogan qu'on aurait pu imaginer, puis le Québec est rendu là. Premièrement, se lever debout, puis deuxièmement, se tenir debout devant ceux qui nous volent, qui nous mentent, qui nous pillent, qui nous racontent n'importe quoi, puis proposer autre chose. Ah, bien, vous êtes bon en débat, Fred. Qu'est-ce que vous regardez sur vos pancartes? Parce que toutes vos pancartes, vous regardez de billets, hein? Vous regardez pas d'objectif. Oui, c'est ça. Mais c'est l'horizon, probablement. Ouais, l'horizon. L'horizon, ben, l'avenir, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est la photo qu'on a choisie. Ben oui, c'est correct. Puis je pense que ce qu'elle veut dire, c'est on peut-tu regarder plus loin, là? Tu sais, pas juste la tête entre les deux jambes, regarder le bout de nos souliers. Non, non, plus loin. À quelle solidaire aujourd'hui, c'était une grande journée. Vous lanciez votre cadre budgétaire. Oui. Je l'ai d'ailleurs dans les mains. Alors, si on enlève la page couverture, la page blanche qui suit, l'introduction et les deux pages blanches de la fin, il reste 3 pages. Oui, dont mais... une de dessin. Mais alors, il y a 9 milliards de dollars dans ces pages-là. Mais vous allez gouverner le Québec avec 2 pages. Bien, au moins, on a l'esprit de synthèse. Est-ce qu'il y a un comptable chez vous? Bien, il y a des comptables, il y a des économistes, il y a du monde très versé en environnement, en politique, en toutes sortes de choses. Bien, vos comptables arrondissent beaucoup, par exemple, je trouve. C'est quand des chiffrons, hein? Bien, c'est parce que ça serait gênant un peu de dire, garde, mettons, pour la culture, ça va être 60 500 212 $ et 50. Bien, ça me rassure. Vous allez abolir les sous-noirs et les sous-blancs? Bien, les sous-noirs, je pense que c'est quasiment déjà fait. Ça a été reporté, en fait. OK, on n'abolira pas les sous-blancs. Mais l'idée, c'est qu'on a voulu dire, garde, c'est pas compliqué. Mais parce que c'est vrai que c'est ça, gouverner. Il faut que tu aies une page de revenus, puis il faut que ça fitte avec la page des dépenses. Puis nous autres, hein, 2 pages, pas long à lire. Ah, c'est pas long. Hein? Fait que je suis sûr que tu l'as fait. Non, ben, je l'ai pas lu quand même. Je trouve ça déjà trop long. Oh, non, ouais. Les deux s'équilibrent. C'est pas merveilleux quand même. Mais d'ailleurs, mais je vais revenir là-dessus, là, sur votre, votre carte financière. Non, je trouve ça fun. Mais vous gaspillez quand même beaucoup de papier blanc là-dedans. Mais là, moi, je sais pas où tu as pris ça, ces papiers-là. Ben, sur votre site. Ah, c'est ça. En tout cas, vous regarderez ça. Là. OK, je regarderai ça. Vous avez dit évidemment que les préoccupations des femmes allaient être très, très présentes dans les revendications et propositions. Ouais. Vous êtes également le parti qui a le plus de femmes candidates. On peut presque parler de parité. Ben oui, on tout à fait. A la parité. Oui, 62. Ah oui, tout à fait. Parce que vous ne présentez pas de candidat dans la circonscription de Jean-Martin Hossan. C'est bien ça? Oui, parce que vous n'en aviez pas? Oh non, on en avait. Ah oui, OK, parfait. Ben, mais c'est sûr. Non, non, on a la parité. C'est la 3e élection où on l'a, d'ailleurs. On se force, nous autres. On travaille, là. Pour avoir la parité. Pour avoir la parité, c'est important. Les autres partis, là, aux dernières nouvelles, il y a une semaine, ça variait entre 19 et 39 %. Pas fort. C'est, non, c'est vrai que c'est pas. C'est vrai que la parité est très difficile dans les autres partis. Mais là, on a Martine à côté de nous. Martine, vous allez voter pour Québec solidaire, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez quand même souvent critiqué Mme Beauchamp et Mme Courchesne. Il y avait une certaine compétition claire entre les filles à la table de négociation. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Oui, mais il y en avait une certaine. Ben je cherchais à savoir c'est qui était le chef. C'est comme le roi de la montagne. On poussait l'autre en bas de la montagne pour essayer de reprendre le dessus. Donc juste des filles, c'est étonnant. Ben non, parce que vous pensez que les gars sont différents? Oui. Ben, on va jouer au golf, c'est ça. Surtout, on jase au golf. Là. Ça avance vite, les affaires au golf, qu'est-ce que vous voulez. Mais évidemment, il y a un sujet, quand on parle des femmes, c'est l'image des femmes en politique. Ben, Martine en a parlé, justement. On se rappelle... Ben, je vous prends souvent un exemple. Ben oui. On se rappelle que Léo et Gabriel, des fois, arrivaient pas rasés, tout couettés. Ouais. Une chance que vous étiez à côté un peu maquillés, parce qu'on se disait, mon Dieu, c'est ben, sont pas propres. Ça faisait un peu pitié. Ouais, ben non, je ça. Sais, je sais. Ouais. Mais là, vous vous êtes rendu compte quand même que se mettre du cache-cerne, c'était bien utile hein, pour la télé. Cache-cerne, c'est génial, surtout en période de négociation. Quand on sort, on a l'air d'être un peu illuminé. C'est ça. Mais c'est un sujet extrêmement intéressant, ça, Québec solidaire, et ça a fait beaucoup jaser, l'apparence et l'image des femmes. On connaît évidemment votre candidate, Manon Massé, oui. Qui affiche, comment je dirais ça, donc... Sois pas gêné. Une moustache, un petit peu. Oui, oui, oui c'est ça. Et ça me rend tout mal, cette histoire-là. C'est exprès, ça? C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Manon, ah, okay. D'abord, je vais être bien claire tout de suite. Là, on fera pas de gaffe personne. Manon, c'est mon amie depuis 15 ans. Ah, c'est pas ben juste là. Une candidate, c'est une amie. C'est ça, c'est ça. Alors, moi, on en a parlé de ça. Ben, moi, je défends juste le droit des gens d'être ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent être pour eux-mêmes. Manon, elle, ce qu'elle me dit, c'est « garde ça, c'est moi. » Ben oui. « Puis je suis comme ça. Puis les gens me prendront ou me laisseront, mais ça sera ça. Ben » Moi, je respecte ça infiniment parce que la quantité de blagues qui sont faites sur ben, elle, mais je la trouve bien courageuse. On en a fait une tantôt, mais c'était pas par exprès. Non, c'est c'était, sûr. On s'est échappé un petit façon, peu. Non, si on la rase, ça repousse, c'est encore pire. Fait aussi bien de... Regardez Fred, ben ouais. C'est terrible, sa bande. Enfin, moi, je trouve ça courageux parce oui. Que la garde, je l'ai déjà dit à Amir, ça. Je lui ai dit, oh, tu peux bien, à un moment donné, aller pas raser à l'Assemblée ouais. Nationale. Tu peux avoir une chemise qui marche pas trop avec ta cravate, ça y arrive. Ça arrive souvent, ouais. Mais si moi, là, il fallait là, que bon, j'arrive... Vrai, ah, ouais. Ah, écoute, là, j'en entends ben parler non, je pendant sais une bien. Semaine. D'ailleurs, vous dire quelque chose, Amir est venu à l'émission, il y avait des bas dans ses sandales. Regardez. Non, mais c'est pas une blague. Pas vrai. Ben oui, je vous jure, je vous jure. Je vais y dire. Oui, dites-lui, on le tempérait d'électorat. Non, on en a pas parlé, parce que c'était un gars. Mais bon, on en aurait parlé si vous n'étiez pas venu maquiller. Merci beaucoup, Françoise David. Vous restez avec nous. Bien sûr. Fred, notre prochain chroniqueur. Il passe la semaine à traquer les meilleurs extraits de l'actualité au détriment de son hygiène personnelle. Nos oreilles en sortent gagnantes, mais pas notre nerf olfactif. Voici le billet d'Olivier Niquet. Olivier, quoi de neuf cette semaine, mon petit pas propre? Ben, le début de la semaine a été monopolisé de façon inattendue par le mouvement des cols rouges de Québec, dont le slogan est « Je vote pour moi ». C'est que Claude Roy, là, leur candidat, a tenu des propos plutôt controversés en évoquant que le « moi » de « Je vote pour moi », ben, il serait mieux d'être asiatique que d'être arabe, parce que les Asiatiques sont plus vaillants. Ouais. C'est rare que j'ai la chance d'avoir quelqu'un devant moi qui s'assume totalement et qui me dit part. Être extrêmement de droite. Oui, extrêmement de droite. Y a-tu trop d'immigrants au Québec? C'est-à-dire qu'on n'a pas été chercher la bonne immigration. Ben ouais. Ça prend plus d'Asiatiques et moins d'Arabes. Mais là, il faut pas confondre extrême droite et extrêmement de droite. Il y en a un, c'est un adjectif, l'autre, c'est un adverbe. Puis il y en a aussi un qui a le crâne rasé. OK, oui. Ouais. D'ailleurs, là, vous avez peut-être vu mardi, Patrice Roy de Radio-Canada interviewer Gilles Parent du FM 93, à qui il a confié être surpris de voir une station de radio présenter un candidat aux élections, Claude Roy en l'occurrence. Patrice, arrête de penser avec ton cerveau. On est conditionné ici à Radio-Canada. Là. Pense avec tes pieds, comme Joanne Marcotte. Je pense qu'ils n'ont tout simplement pas de culture politique suffisamment élargie. Je veux dire, ils baignent dans un environnement gauchiste, étatiste. Ils ont fait carrière là-dedans. C'est comme ça qu'ils résonnent. Tu sais, un paradigme quand c'est dans ta tête, là. Je veux dire, tes circuits neuronaux, là, ça passe toujours par le même chemin. Oui, ça c'est dangereux. Hein? Ça peut faire des caillots, puis après ça, t'es plus la même personne. Là. C'est ça qui est arrivé à Norman Lester. Ouais. Autre bombe cette semaine, l'entrée en scène de Jacques Elliott Ness Duchesneau. On se rappelle qu'Elliott Ness s'est fait une réputation d'incorruptible en combattant ceux qui ne respectaient pas la prohibition avant de perdre sa job pour alcool au volant. Je serais pas surpris qu'on apprenne que Duchesneau s'appelle en fait Duchesnoto et qu'il soit dans Mafia. Non, non, mais c'est pas pour rien qu'il roule ses airs, là. Surtout que, comme on l'a appris grâce à un scoop d'André Arthur dans une obscure radio de la de Ville de la Baie, ouais, chez nous, ouais. Duchesneau est un dangereux ami des animaux. Faudrait pas oublier toutes sortes d'histoires avec Duchesneau, qui a peut-être une opinion de lui-même tellement grande que ça fait de lui un individu dangereux. C'est le gars, par exemple, qui est en amour avec les chevaux. Oh, ça, c'est dangereux, hein? Il peut poigner des maladies. Ouais. Mercredi, il s'en est tellement passé des choses qu'on n'a presque pas remarqué le lancement de la campagne de Jean-Martin Hossan d'Option nationale et la séparation d'Odile et Dave d'Occupation double. Arrête, je vous rassure, il prévoit rester amis, ce qui est une excellente stratégie puisque l'ex-couple a obtenu une pleine page dans le Journal de Montréal. Ah, ah, Jean-Martin, Occupation double, hein? Ça te tente pas? Hein? On a aussi fait la connaissance de Martin Caron, qui, en plus d'être candidat de la CAQ, est chummy avec le célèbre Richard Glenn, ex-animateur d'ésotérisme expérimental et ex-amateur de petits garçons. Te souviens-tu de Martin Caron? Il faisait quoi? Il a parlé de géomancie, il a parlé du fameux produit là, qui était un produit... On pouvait s'en servir pour tuer la grippe, tuer certaines maladies en s'envoyant ça en dessous de la langue. De... Bon, ben Martin Caron, il se présente pour la CAQ. Pauvre CAQ, hein? Il y a si peu d'artistes qui les appuient, puis là, Richard Glenn arrive, puis ça tue leur crédibilité d'une shot. Ah. Jeudi, c'était aussi jour de gestion de crise de la part des forces libérales, incluant leur porte-parole, Jean Lapierre, qui nous a proposé un remake du reportage de l'émission Enquête en y ajoutant pas mal d'effets spéciaux. Là. Est-ce que Jean Charest aurait rencontré furtivement ce fameux aidé en disant « Aidé, inquiète-toi pas, moi, ils arrêtaient. » Voyons donc, l'amour du bon Dieu. Non, non, ça... Faut être vraiment inventeur d'une histoire de scénario de film. Je pense que Jean Lapierre vient de jeter les bases d'un excellent film. Ça pourrait s'appeler « Aider aux mains d'argent ». Merci beaucoup, Olivier. Merci. Hey, justement, parlant de films, il y en a des gros des films qui s'en viennent au cinéma. Et ici, à la soirée, on a mis la main sur le prochain gros succès québécois. On écoute. Depuis un petit bout de temps, dans une galaxie que vous connaissez bien... Une guerre civile fait rage entre l'Empire libéral et l'Alliance rouge, des rebelles lourdement armés de casseroles. Pour écraser la rébellion et conserver le pouvoir, Jean Charest a déclenché une campagne de terreur en plein été. Et attendez-vous à ce que je fasse cette campagne-là avec beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de passion, parce que je défends les idées auxquelles je crois profondément. Mais il a une arme secrète. Encore plus puissante que le côté sombre de la force. C'est maintenant la majorité silencieuse de se prononcer. Le 4 septembre, ne manquez pas un nouvel épisode de La Guerre des Égaux. La majorité silencieuse contre-attaque. Avec Jean Charest dans le rôle de Darth James Vader. Martine Desjardins dans le rôle de la princesse Léa. Gabrielle Nadeau-Dubois dans le rôle de l'hologramme d'Obi-Wan Kenobi. Et la participation spéciale de Paul Desmarais dans le rôle de l'Empereur. La majorité silencieuse contre-attaque dans une rue près de chez vous. Oh, ça va pas être bon, comme ils disent. On va aller trouver Jean-Sébastien. Là, Jean-Sébastien, on a tellement hâte d'en avoir plus de vous. C'est vrai, ça. Oui, ben, mais hein. Alors, dernier bloc de Cuisinons avec Kamal. On est en train de manger des pétoncles et je vais vous dire que c'est bon, on verra. Santé, Kamal. Alors, en mangeant, on va changer politique, si vous le permettez. Ben oui. Vous êtes un ancien caquiste, vous avez été exclu de votre parti. Est-ce que ça vous fendrait bien gros la face de voir François Legault sortir gagnant cette campagne-là? S'il veut sortir gagnant, ce serait bon pour lui. Enfin, je pense qu'il fait beaucoup d'efforts. C'est un homme qui est quand même assez bien. Je l'apprécie beaucoup. C'est l'homme que j'aurais choisi comme premier ministre dans mon cas, personnellement, vraiment. Et malheureusement, notre entente avec nous, ça n'a pas marché, mais sauf que c'est... Il fait beaucoup d'efforts, montre la bonne volonté de faire du ménage au gouvernement. Et je pense que ça, il faut lui donner le crédit pour ça aussi. Ah, je m'attendais à une réponse un petit peu plus edgy, mais c'est correct. C'est la première fois que je soupe avec un homme politique, alors vous allez m'aiguiller. Chez moi, ici, on est dans Gouin. Mes candidats sont François David de Québec solitaire, Nicolas Girard du PQ et les autres que je connais pas. Pour vous, pour qui je devrais voter? je pense que vous devez voter pour le Québec solidaire. Mon opinion personnelle, dans votre coin ici, je pense que ça, c'est peuvent répondre le plus à vos besoins dans le coin, okay, avec vos besoins particuliers et le nombre de populations qui est grandissante aussi. Ouais. En fait, je suis pas tellement étonné parce qu'on vous voit sur YouTube faire du compostage, on vous voit parler de l'importance de protéger l'eau, on vous voit parler de la consommation intelligente de pétrole, etc. Donc, il y a quand même une certaine parenté avec Françoise David. Françoise David, on le sait qu'il y a besoin de candidats vedettes. Elle vous offrait un comté, est-ce que vous pourriez accepter? Tout est possible, il faut juste discuter. Ça dépend de mes visions, moi aussi. Je pense qu'on peut faire des choses. Je pense que tous les partis, chacun a quelque chose de bon, en réalité. Puis je pense, moi, personnellement, j'aurais aimé que tout le monde soit indépendant dans les élections. Puis après ça, on forme un gouvernement ensemble. Alors, Madame David, est-ce que ça peut vous intéresser? Honnêtement? Oui? Non. Ben! Alors, elle m'a répondu oui, elle est ouverte à ça. Alors, Madame Basile, comme vous êtes dans mon coin, enfourchez votre bétique et venez manger du homard avec nous à maison. Ah, ben c'est très, très gentil, ça. Hey, j'espère que vous allez nous rapporter les restants. Ben oui, ah, ça, c'est bag. sûr. Je vous apporte ça à la réunion de mardi. OK, mais génial. Vous embrassez tout le monde pour nous et puis on se reparle la semaine prochaine. Ma mère et Kamal. Ah, ben parfait. Bon appétit, là. Merci. C'est extraordinaire. Ah oui. Fred, c'est à vous. Son statut de mère de deux jeunes enfants ne l'empêche pas de chercher l'insolite dans l'actualité, puisque c'est son conjoint qui change les couches, pleines d'insolites elles aussi. Voici la chronique de Léa Strelitzky. Ah, Léa! Ben oui, merci Fred. Merci au public d'avoir fait semblant que vous savez qui je suis. Ben, c'est moi qui l'aurais dit au début. Léa, l'absurde est encore d'actualité cette semaine, j'espère. Oui, absolument, Jean-Philippe. Ben... l'absurdité s'est encore une fois emparée de nos nouvelles, Jean-Philippe. Incroyable. Bon, tout d'abord, depuis que je suis venue la dernière fois, il y a quand même eu deux tueries aux États-Unis. Ouais, hein? Oui, ouais, oui. Tueries, ouais. Mais ça n'est pas drôle, Jean-Philippe. J'ai non, pas ri. Tu es même complètement déplacé. J'ai rien fait. Par contre, ce qui est drôle, ouais, c'est que les Américains continuent de penser qu'il existe un débat sur les armes. Hein, oui. Alors, laissez-moi vous résumer tout ça. Les armes servent à tuer des gens. On n'a pas le droit de tuer des gens. Donc, voilà, le débat est terminé. Hein. Merci d'être venu. D'autant plus qu'on hein, est tous à 3-4 cellules de péter une coche en permanence. Je pense pas qu'on est capable d'avoir ça, des objets pointus. T'sais. Non. On a des doctorants qui se déguisent en Batman et qui ouais, s'en vont dans les cinémas pour tirer sur les gens. C'est ça, les études. On a... on a des médecins qui tuent leurs enfants, puis on a des juges qui les libèrent, tu sais. Pas d'objets pointus! Ah, moi, bon, je te baby-prouferais ça, cette planète-là, ah oui, Jean-Philippe. Okay, là, en way, les ciseaux à bourron pour toute la gang! Ensuite, oui, du côté de la Suisse, ben, on a des lingots d'or qui ont été retrouvés dans un champ. Puis là, on ne savait pas trop à qui ça appartenait. Mais ça, ce sont les problèmes de la Suisse. Hein. Tu t'en vas dans un champ cueillir tes édelweiss quand tout à coup, coquelongue, tu t'enfarges sur des lingots d'or. Ça, c'est vrai que ça arrive là-bas. Chacun ses problèmes. justement, il y a Odile et Dave d'Occupation Double ben qui oui, se sont séparés. C'était carré, ça. Ah non, c'est vrai, ça, j'en ai rien à foutre. Excusez-moi. Excusez-moi, je voulais vous parler des élections. Ça n'a rien à oui, voir parce que ça s'en vient, hein, ouais, le 4 arrêtez septembre. Hey, j'ai assez hâte de voter pour la personne qui est la plus susceptible de ne pas faire élire la personne qui est la plus susceptible d'être élue. Oui, ça, ça va être facile. Hein? Hein, c'est la démocratie directe. Hein, mais, non, mais ça, c'est mon expérience des élections depuis que j'ai le droit de voter. Hein. Ouais, les élections au Québec, c'est un peu comme les maringouins. Tu sais, ça sort quand ça veut. Ça nous achale, puis il faut qu'on se démène pour éliminer celui qui est le plus proche de nous sucer le sang. Mais c'est le fun, c'est le fun. Non, mais cette année, je pense que je vais voter avec mon cœur. D'ailleurs, Madame David, je ne voudrais pas vous mettre la pression, mais je vote d'Angoin et je suis indécise. Hein? On va se parler après l'émission. Oui, là, je suis au travail. On s'en parle tout de suite. Mais tout de même... oui, que vous votiez avec votre cœur ou que vous votiez stratégique, s'il vous plaît, allez voter. Surtout si vous avez entre 18 et 34 ans, parce que je pense qu'on va se le faire dire. Hein? Ouais, je pense que, tu sais, ils vont nous dire, ils ont blogué le bon Jeanplain, il était 2 millions à le faire, je pense que c'est à peu près ça. Puis là, il était trop occupé à être sur Facebook pour aller voter. Puis je pense qu'ils vont continuer à réfléchir comme des coudes en plus, puis qu'ils vont pas se dire que peut-être que ceux qui sont allés manifester sont politisés. Donc ceux qui sont allés voter, pendant qu'il y avait des calottes trop socialement responsables pour le faire, parce que de toute façon, il y avait un shift au couche-tard ce jour-là. Mais non, mais c'est important qu'ils le fassent. Oui, non, c'est non, clair. Mais c'est clair. Avec leur T4 là, qu'on fait ça, là, Jean-Philippe, s'il te plaît. S'il OK, te plaît. Bah oui, non, mais j'ai rien dit. Donc, moi, je, c'est à peine si j'écoute. En tout cas, merci Jean-Philippe. Je sais que tu me regardes plus que tu m'écoutes. Je sais ça. allez voter, c'est ça que j'avais à dire. Allez voter parce que faites-le même pas pour le Québec, faites-le pour moi. Ah oui? Ouais, parce que je suis un petit peu écœurée qu'on tape sur notre génération. Je démissionnerai pas pour autant. Non. Mais je suis quand même un petit peu écœurée. Merci beaucoup, Léa. Merci énormément. Eh bien, c'est un bon message, ça. Et c'est le message qui va clore cette soirée, parce que c'est déjà tout pour la soirée est encore jeune. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. Monique Giroux fait une scène et tout de suite après, c'est Bande à part animée par Élodie Gagnon. Un merci évidemment à toute l'équipe, Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent et sa voix extraordinaire. Notre stagiaire Nicolas Arguindé, évidemment l'extraordinaire et immensément talentueux Philippe Roberge à la console et à la musique. Un immense merci à nos invités de ce soir, évidemment Françoise David et Martine Desjardins. Bon courage pour les prochaines semaines, autant à Martine qu'à Françoise, évidemment. et quant à nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter à twitter.com/lasoirée, nous réécouter grâce à notre balado et écrivez-nous si vous voulez assister à notre prochaine émission. C'est vendredi 19h avec Léo Bureau-Blouin et on se croise les doigts, le premier ministre Jean Charest. Peut-être, on est vraiment très excités. C'est aussi pour y faire de la pression à lui. Alors, merci beaucoup, ici Jean-Philippe Vautier. On vous dit à la semaine prochaine pour une autre soirée qui, on l'espère, le sera encore jeune.